partie. Les mots n'ont jamais la bonne pointure. Tu crois que tu parles et quand t'as fini, tu t'aperçois que tu n'as rien dit. Y a des mots ronflants qui font trop de bruit. Y a des mots marrants qui font rire personne. Y a des mots légers, durs comme des pierres. Y a des mots sympas qu'on n'écoute pas. On n'est jamais sûr d'être bien compris, puisqu'on n'a pas tous le même délire. Will it be? Will it be? Will it be?